Chapitre 17. Deux profils honteux. Lorsque Marius eut raconté son équipée au geôlier et à la bouquetière, cette dernière s'écria : Nous voilà bien avancés. Pourquoi vous êtes-vous mis en colère ? Cet homme vous aurait peut-être prêté de l'argent. Les femmes ont des entêtements qui leur donnent certaines souplesses de conscience. Ainsi, Fine, toute loyale qu'elle était, aurait peut-être fait la sourde oreille chez Rostand, et même, à l'occasion, se serait servie des secrets que le hasard lui confiait. Revertega était un peu confus d'avoir conseillé à Marius d'aller chez le banquier. « Je vous avais prévenu, monsieur, lui dit-il. Je n'ignorais pas les bruits qui courent sur cet homme, mais je faisais une large part à la médisance. Si j'avais connu la vérité entière, jamais je ne vous aurais envoyé chez lui. » Marius et Fine passèrent tout l'après-midi à bâtir des plans extravagants, à chercher en vain dans leur tête un moyen d'improviser les 15 000 francs nécessaires au salut de Philippe. « Comment ? » s'écriait la jeune fille. « Nous ne trouverons pas dans cette ville un brave cœur qui nous sortira d'embarras. Est-ce qu'il n'y a pas ici des gens riches qui prêtent leur argent à un taux raisonnable ? Voyons, mon oncle, cherchez un peu avec nous. Nommez-moi une personne secourable pour que j'aille me jeter à ses pieds. » Revertega secouait la tête. « Eh oui, répondit-il, il y a ici de braves cœurs, des gens riches, qui vous viendraient peut-être en aide. Seulement, vous n'avez aucun titre à leur bonté. Vous ne pouvez guère leur demander de l'argent tout d'un coup. Il faut que vous vous adressiez à des prêteurs, à des escompteurs. Comme vous n'offrez aucune garantie solide, vous êtes forcé d'aller frapper à la porte des usuriers. Oh, je connais de vieux avares, de vieux coquins, qui seraient enchantés de vous tenir dans leurs griffes, ou qui vous jetteraient dehors comme des mendiants dangereux. » Fine écoutait son oncle. Toutes ces questions d'argent se brouillaient dans sa jeune tête. Elle avait une âme si ouverte, si franche, qu'il lui semblait tout naturel, tout facile de demander et d'obtenir une grosse somme en 2 heures. Il y a des millionnaires qui peuvent disposer si aisément de quelques milliers de francs sans se gêner. Elle insista. « Allons, cherchez bien, dit-elle encore au geôlier. Ne voyez-vous réellement pas un homme auprès duquel nous puissions tenter une démarche ? » Revertega regardait avec émotion son visage anxieux. Il aurait voulu ne pas étaler les vérités brutales de la vie devant cet enfant plein désespoir de la jeunesse. « Non, vraiment, répondit-il, je ne vois personne. Je vous ai parlé de vieux coquins qui ont gagné honteusement de grandes fortunes. Ceux-là, comme Rostand, prêtent 100 francs pour s'en faire rendre 150 au bout de 3 mois. » Il hésita, puis reprit d'une voix plus basse. « Voulez-vous que je vous conte l'histoire d'un de ces hommes ? Il se nomme Roumieux. C'est un ancien officier ministériel. Son industrie consistait à faire une chasse terrible aux héritages. S'introduisant dans les familles, appelé par ses fonctions à y jouer un rôle de confident et d'ami, il étudiait le terrain, il dressait ses embûches. Lorsqu'il rencontrait un testateur d'âme faible et lâche, il devenait sa créature, il le circonvenait, il l'attirait peu à peu à lui, par des révérences, par des cajoleries, par toute une comédie savante de petits soins et d'effusions filiales. Ah, c'était un homme habile! Il fallait le voir endormir sa proie, se faire souple et insinuant, se glisser dans l'amitié d'un vieillard. Lentement, il évinçait les véritables héritiers, les neveux et les cousins. Puis, il rédigeait lui-même un nouveau testament qui les spoliait de la fortune de leurs parents et qui le nommait « légataire universel ». D'ailleurs, il ne brusquait rien. Il mettait 10 ans pour atteindre son but, pour mûrir à point une affaire. Il procédait avec une prudence féline, rampant dans l'ombre, ne bondissant sur sa proie que lorsqu'elle était là, pantelante, rendue inerte par ses regards et ses caresses. Il chassait aux héritages comme un tigre chasse aux lièvres, avec une brutalité silencieuse, une férocité faisant patte de velours. Fine croyait entendre une histoire des mille et une nuits. Elle écoutait son oncle en ouvrant de grands yeux étonnés. Marius commençait à se familiariser avec les scélératesses. « Et vous dites que cet homme a fait une grande fortune ? » demanda-t-il au geôlier. « Oui, » continua celui-ci. On cite des exemples étranges qui prouvent l'habileté étonnante de Roumieux. Ainsi, il y a 10 à 15 ans, il s'introduisit dans les bonnes grâces d'une vieille dame qui avait près de 500 000 francs de fortune. Ce fut une véritable passion. La vieille dame devint son esclave, à ce point qu'elle se refusait un morceau de pain pour ne pas toucher au bien qu'elle voulait laisser à ce démon qui était entré en elle et qui la commandait en maître. Elle était possédée dans le sens du mot. Toute l'eau bénite d'une église n'aurait pas suffi pour l'exorciser. Une visite de Roumieux la plongeait dans des extases sans fin. Quand il la saluait dans la rue, elle était comme frappée d'une secousse, elle devenait toute rouge de joie. On n'a jamais pu concevoir par quels éloges, par quelle marche adroite et envahissante, le notaire avait pu pénétrer si loin dans ce cœur que fermait une dévotion exagérée. Lorsque la vieille dame mourut, elle dépouilla ses héritiers directs et laissa ses 500 000 francs à Roumieux. Tout le monde s'attendait à ce dénouement. Il y eut un silence. « Tenez, reprit Revertega, je puis encore vous citer un exemple. L'anecdote contient toute une comédie cruelle, et Roumieux y fit preuve d'une souplesse rare. » Un nommé Richard, qui avait amassé dans le commerce plusieurs centaines de 1 000 francs, s'était retiré au milieu d'une honnête famille qui le soignait et égayait sa vieillesse. En échange de cette amitié prévenante, l'ancien négociant avait promis à ses hôtes de leur laisser sa fortune. Ceux-ci vivaient dans cette espérance. Ils avaient de nombreux enfants et comptaient les établir d'une façon honorable. Mais Roumieux vint à passer par là. Il fut bientôt l'ami intime de Richard. Il l'emmena parfois à la campagne. Il accomplit en grand secret son œuvre de possession. La famille qui logeait le commerçant retiré ne se douta de rien. Elle continua à soigner son hôte, à attendre l'héritage. Pendant 15 ans, elle vécut ainsi dans une douce quiétude, faisant des projets d'avenir, certaine d'être heureuse et riche. Richard mourut. Et le lendemain, Roumieux héritait. Au grand étonnement et au grand désespoir de cette famille volée dans son affection et dans ses intérêts. Tel est le chasseur d'héritage. Lorsqu'il marche, on n'entend pas le bruit de ses griffes sur la terre. Ses bonds sont trop rapides pour qu'on puisse les mesurer. Il a déjà sucé tout le sang de sa proie avant qu'on l'ait vu s'accroupir sur elle. Fine était révoltée. « Non, non ! dit-elle, je n'irai jamais demander de l'argent à un pareil homme. Ne connaissez-vous pas un autre prêteur, mon oncle ? Eh, ma pauvre enfant, répondit le geôlier, tous les usuriers se ressemblent. Ils ont tous dans leur vie quelques tâches ineffaçables. Je connais un vieux ladre qui a plus d'un million de fortune et qui vit seul dans une maison sale et abandonnée. Guillaume s'enterre au fond de son antre puant. L'humidité crevasse les murs de ce caveau. Le sol n'est même pas carrelé. On marche sur une sorte de fumier ignoble, fait de boue et de débris. Les toiles d'araignée pendent du plafond. La poussière couvre tous les objets. Un jour bas et lugubre entre par les fenêtres noires de crasse. Notre avare paraît dormir dans la saleté comme les araignées des poutres dorment immobiles au milieu de leur toile. Quand une proie vient s'engluer dans les fils qu'il tend, il l'attire à lui et lui suce le sang de ses veines. Cet homme ne mange que des légumes cuits à l'eau, et jamais il ne contente sa faim. Il s'habille de haillons, il mène une vie de mendiant et de lépreux. Et tout cela pour garder l'argent qu'il a déjà amassé, pour augmenter sans cesse son trésor. Il ne prête qu'à 100%. fine, pâlissait devant le spectacle hideux que lui faisait entrevoir son oncle. D'ailleurs, continua le geôlier, Guillaume a des amis qui vantent sa piété. Il ne croit ni à Dieu ni au diable. Il vendrait le Christ une seconde fois s'il le pouvait, mais il a eu l'habileté de feindre une grande dévotion, et cette comédie lui a valu l'estime de certains esprits étroits. On le rencontre traînant les pieds dans les églises, s'agenouillant derrière tous les piliers, usant des seaux d'eau bénite. Interrogez la ville, demandez quelle bonne action a jamais faite ce saint personnage. Il adore Dieu, dit-on, mais il vole son semblable. On ne pourrait citer une personne qui l'ait secouru. Il prête à usure, il ne donne pas un sou aux malheureux. Un pauvre diable mourrait de faim à sa porte, qu'il ne lui apporterait pas un morceau de pain ni un verre d'eau. S'il jouit d'une considération quelconque, c'est qu'il a dérobé cette considération comme tout ce qui lui appartient. Revertega s'arrêta, regardant sa nièce, ne sachant s'il devait continuer. « Et vous auriez la naïveté d'aller chez un pareil homme ?» dit-il enfin. « Je ne puis tout dire, je ne puis parler des vices de Guillaume. » Ce vieillard a des passions ignobles. Par moments, il oublie son avarice, il contente ses appétits de luxure. On raconte tout bas des marchés honteux, des séductions révoltantes. « Assez !» cria Marius avec force. Fine, rouge et consternée, baissait la tête, n'ayant plus ni courage, ni espérance. « Je vois que l'argent est trop cher, reprit le jeune homme, et qu'il faut se vendre pour en acheter. Ah, si j'avais le temps de gagner par mon travail la somme qu'il nous faut. » Ils restèrent tous trois silencieux, ne pouvant trouver aucun moyen de salut.